Section 72 de la lecture, tome 6e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Rémi. La lecture, tome 6e, section 72, Stanley, sa vie, ses aventures et ses voyages, par Adolphe Burdeau. Chapitre 2, Gordon Bennett, à la recherche de Livingstone, Zanzibar, la caravane en marche, fatale discorde. Dans la nuit du 17 octobre 1869, Stanley descendait au Grand Hôtel à Paris et s'en allait directement frapper à la porte de la chambre de James Gordon Bennett, fils du célèbre fondateur du New York Herald. « Entrez !» dit une voix. Bennett se trouvait encore au lit. « Qui êtes-vous » demanda-t-il. « Stanley. » « Ah oui, prenez un siège. Je vous ai télégraphié à Madrid de venir me trouver. J'ai pour vous une mission importante. » Tout en parlant, il se levait, jetait sa robe de chambre sur ses épaules et continuant. « Où pensez-vous que soit Livingstone ?» demanda-t-il vivement. « Je n'en sais vraiment rien, monsieur. Croyez-vous qu'il soit mort ?»« Possible que oui, possible que non. Moi, je pense qu'il est vivant, qu'on peut le trouver, et je vous envoie à sa recherche. » « À la recherche de Livingstone ? Mais c'est aller au centre de l'Afrique ! Est-ce là ce que vous entendez ?»« J'entends que vous partiez, que vous le retrouviez n'importe où il soit, que vous rapportiez de lui toutes les nouvelles possibles. Et qui sait, le vieux voyageur est peut-être dans le besoin. Prenez avec vous tout ce qui pourra lui être utile. Naturellement, vous suivrez vos propres idées. Faites comme bon vous semblera, mais retrouvez Livingstone. » Un peu abasourdi d'abord, Stanley demanda à Bennett s'il avait réfléchi à la dépense qu'occasionnerait pareil voyage. N'ayant ni l'un ni l'autre les données suffisantes pour établir le budget de cette entreprise, il fut décidé que Stanley tirerait sur le New York Herald, au fur et à mesure de ses besoins, des traites de 25 000 francs. « Vous avez carte blanche, » lui dit Bennett, « mais retrouvez Livingstone. »« C'est bien, monsieur. Dois-je aller directement en Afrique centrale ?»« Non, vous assisterez d'abord à l'inauguration du canal de Suez. » De là, vous remonterez le Nil. J'ai entendu dire que Baker allait partir pour la Haute-Égypte. Informez-vous de son expédition. Vous ferez bien, après cela, d'aller à Jérusalem. Le capitaine Warren fait là-bas, dit-on, des découvertes importantes. Puis à Constantinople, où vous vous renseignerez sur les dissentiments qui existent entre le sultan et le Khédive. Après, voyons un peu, vous passerez par la Crimée et vous visiterez ses champs de bataille. Puis vous suivrez le Caucase jusqu'à la mer Caspienne. On dit qu'il y a là une expédition russe en partance pour Kiva. Ensuite, vous gagnerez l'Inde en traversant la Perse. Vous pourrez écrire de Persépolis une lettre intéressante. Bagdad sera sur votre passage. Adressez-nous quelque chose sur le chemin de fer de la vallée de l'Euphrate. Et quand vous serez dans l'Inde, embarquez-vous pour rejoindre Livingstone en Afrique. À cette époque, vous apprendrez peut-être qu'il est en route pour Zanzibar. Sinon, allez dans l'intérieur et cherchez-le jusqu'à ce que vous l'ayez trouvé. Informez-vous de ses découvertes. Enfin, s'il est mort, rapportez-en des preuves certaines. Maintenant, bonsoir, et que Dieu soit avec vous. Bonsoir, monsieur. Tout ce que l'humaine nature a le pouvoir de faire, je le ferai. Et dans la mission que je vais accomplir, que Dieu soit avec moi. Cela ressemble à une page de roman, et c'est pourtant ainsi que s'est décidée et conclue cette première odyssée de Stanley dans l'Afrique centrale. Successivement, on vit le hardi reporter traverser les étapes qu'on lui avait indiquées et arriver enfin, le 6 janvier 1871, à Zanzibar, où devait commencer sa grande mission à la recherche de Livingstone. Il ne serait pas possible dans ces pages de le suivre pas à pas, au milieu des péripéties qui marquèrent cette expédition, où il se révéla à la fois intrépide voyageur et observateur sagace, et qui fut couronné d'un succès inespéré. Je n'en rappellerai ici que les phases maîtresses, pour que l'on puisse se rendre compte du travail gigantesque accompli par cet homme, avec un bonheur si surprenant. Une fois à Zanzibar, son premier soin fut d'organiser sa caravane. Les rares voyageurs qui l'y avaient précédé n'avaient laissé que peu de notes à cet égard, et pour faire le moins d'école possible, Stanley s'adressa à un arabe, au vieux cheikh Hachid, un des richards honnêtes de l'endroit. Il apprit par lui que pour nourrir 100 hommes dans l'intérieur de l'Afrique, il suffit par jour de 6 dotis, ou 40 mètres d'étoffe commune, ce qui pour l'année représente 3650 dotis à choisir parmi les tissus qui ont cours dans les régions africaines que l'on doit traverser. Même étude au sujet des perles. Telle peuplade en veut des blanches, telle autre préfère les jaunes ou les vertes. Il fallait encore des provisions de bouche, des ustensiles de cuisine, des sacs, des tentes, de la corde, des ânes et leur équipement, de la toile, du goudron, des aiguilles, des outils, des armes, des munitions, des médicaments, des couvertures, tout un monde enfin. Puis il y a la question des porteurs. Ce choix-là est des plus ingrats, car Zanzibar regorge de va-nu-pieds, de bandits, gens de sacs et de cordes, toujours les premiers à se présenter en semblable occurrence, soit qu'ils fuient une condamnation ou flairent quelques bons coups à faire au loin. Mais généralement, le sultan met à la disposition des voyageurs le chef même de la police, et c'est ce fonctionnaire redouté qui préside en personne aux séances de recrutement. Dès qu'un chenapan paraît pour s'enrôler, avant même qu'il ait ouvert la bouche pour décliner son nom, il faut voir la canne du policier décrire dans l'air un rapide sillage et retomber dru comme grêle sur les épaules du drôle, qui, sans demander son reste, s'enfuit à toutes jambes. Stanley engagea comme chef d'escorte un nègre bombé, qui avait accompagné Speck, et qui lui procura 18 askaris, ou soldats de caravane, dont il répondait. Pour porter les ballots, les caisses, les tentes, les sections d'un bateau démonté, il fallut enrôler 160 porteurs, dont la charge moyenne est de 70 livres. Pour cet emploi, on choisit généralement des Vunyamwesi, naturels du district de Tabora. Gens indisciplinés, têtus, fantasques, qu'il faut savoir manier adroitement, et dont on fait alors tout ce qu'on veut. Au total, quand le 21 mars 1871, l'expédition de Stanley quitta la côte, elle comptait 192 membres, dont 3 Européens, 23 askaris de Zanzibar, 4 surnuméraires, 4 chefs noirs et 158 pagazis ou porteurs. Au début du voyage, tout alla bien. La contrée qu'on traverse, du reste, est merveilleuse. C'est l'Ousagara, pays aux montagnes fertiles, aux plaines superbes et grasses comme des parcs anglais, pays d'abondance, bien arrosé et sillonné par les caravanes. Mais hélas, les ennuis et les mécomptes ne devaient pas tarder de s'abattre sur l'expédition. Les rapports entre Stanley et les deux autres auxiliaires européens qu'ils étaient choisis s'envenimèrent bien vite. Et ce fut un des premiers tracas de l'explorateur. Cela semble du reste la loi fatale. Presque tous les voyageurs africains se sont querellés avec leurs compagnons de route. Est-ce le climat équatorial qui en est cause? Ou bien sont-ce les soucis, les inquiétudes, qui ont pour influence de rendre l'Européen irritable, enclin au spleen, peu traitable, ennuyé et ennuyeux? C'est un peu tout cela ensemble, sans doute, car que de drames intimes, que d'aimables jeunes gens liés d'une amitié étroite et ancienne, et qui, partis ensemble pour l'Afrique centrale, se sont pris en grippe là-bas et sont devenus des ennemis irréconciliables. Les deux blancs qui accompagnaient Stanley s'appelaient Shaw et Farquhar. C'étaient d'anciens matelots anglais, et l'explorateur ne tarda pas à reconnaître leur peu d'aptitude pour le grand travail auquel il les avait associés. Tous deux, cependant, mangeaient à la même table que Stanley, et ce fut même à l'occasion d'un repas que la discorde qui couvait dans le cœur de ces trois hommes éclata un beau jour. On était au 15 mai. Depuis 2 mois, la caravane avançait vers le cœur du continent africain, et les difficultés devenaient naturellement plus grandes, comme aussi les privations et la somme d'efforts et de sacrifices qui incombaient à chacun. Or, ce jour-là, lorsque Shaw et Farquhar arrivèrent pour déjeuner, leur figure était diablement renfrognée et ne présageait rien de bon. Ni l'un ni l'autre ne répondirent au bonjour que leur adressa Stanley, et leurs visages se détournèrent pour éviter son regard. Sans attacher d'importance à ces impertinences mal déguisées, leur chef les pria de s'asseoir, et aussitôt le domestique nègre, Selim, apporta le déjeuner. Le menu se composait d'un quartier de chèvre rôtie, d'un foie à l'étuvée, d'une demi-douzaine de patates, d'une assiettée de crêpes et d'une tasse de café. Un vrai festin de Balthazar pour qui a la moindre notion de la vie d'un voyageur en Afrique centrale. « Veuillez découper le rôti, » dit Stanley à Shaw. « Cette viande-là, un rôti, bonne pour les chiens !» s'écria celui-ci avec la dernière insolence. « Que dites-vous là ?»« Je dis que c'est une honte, monsieur, une véritable honte, que la manière dont vous nous traitez. Je dis que vous m'écrasez de fatigue, que nous pensions avoir des ânes et des serviteurs, et qu'au lieu de tout cela, vous me faites marcher tous les jours, en plein soleil, jusqu'à me faire sentir que j'aimerais mieux être en enfer que dans cette expédition damnée. Et je voudrais que tous ceux qui en font partie fussent au diable. Voilà ce que je dis, monsieur. » Stanley, maître de lui, répondit avec calme. « Écoutez-moi, Shaw, et vous aussi, Farquhar. Depuis notre départ, jusqu'au moment où ils sont morts, vous avez eu des ânes pour vous porter. Les serviteurs ne vous ont pas manqué. On a dressé vos tentes, porté vos bagages, fait votre cuisine. Aujourd'hui, les ânes nous manquent. Il m'a fallu jeter divers objets qui faisaient partie de leur charge. C'est une perte, un souci pour moi. Et c'est en face de cet état de choses que vous osez vous plaindre d'être obligé de marcher et que vous vous oubliez jusqu'à me maudire à ma propre table. Rappelez-vous que vous êtes ici en qualité de serviteur. Je ne suis pas votre compagnon. Au diable le ! Avant qu'il eût fini sa phrase, Shaw roulait par terre. « Faut-il continuer la leçon ?» demanda Stanley. « Monsieur, dit Shaw en se relevant, le mieux est que je m'en aille. Donnez-moi mon congé. »« Oh, certainement !» Stanley appela Bombay. « Cet homme veut partir. Pliez sa tente, apportez-moi ses armes, prenez ses effets et conduisez-le à 200 mètres du camp où vous le laisserez partir avec ses bagages. » Et se tournant vers Shaw, « Allez, monsieur, vous êtes libre. » Quant à Farquhar, Stanley lui fit comprendre que, désirant hâter sa marche, devant franchir des régions désertes sans y faire halte, il serait plus sage pour lui, Farquhar, qui se disait éreinté, de rester dans un endroit paisible, sous la protection d'un bon chef indigène, jusqu'au moment où passerait une caravane d'Arabes, à laquelle il se joindrait pour gagner la côte. Sur ces entrefaites, Bombay reparut pour dire à Stanley que Shaw désirait lui parler, et ce dernier, tout confus et plein de repentir, lui demanda pardon, en l'assurant que désormais l'expédition n'aurait pas de serviteur plus dévoué que lui. Stanley lui tendit la main. « Camarade, oublions cela. Il n'est pas de famille qui n'ait ses querelles. Du moment que vous m'offrez vos excuses, tout est pardonné, soyez-en convaincus. » Le soir de ce même jour, au moment où Stanley commençait à dormir, un coup de feu retentit, et une balle traversa sa tente de part en part à quelques pouces de sa couche. Il saisit ses revolvers et se précipitant au dehors, « Qui vient de tirer ? » demanda-t-il aux sentinelles. Tout le monde était debout, très ému, et l'un des hommes répondit en montrant la tente de Shaw, « C'est l'homme blanc qui est là !» Stanley alluma une bougie et entra dans la tente de son contremaître. « Est-ce vous qui avez tiré, Shaw ?» Pas de réponse, l'homme paraissait dormir et affectait même de ronfler. Stanley renouvela sa demande en le secouant. « Moi ? » fit l'autre en s'éveillant. « Moi, mais je dormais !» Stanley allait se retirer quand ses yeux tombèrent sur la carabine de Shaw. Il prit l'arme, le canon était chaud. Il y introduisit le petit doigt et l'en retira noirci par la poudre. « Qu'est-ce cela ? » fit-il. « Shaw ? Les hommes disent que c'est vous qui avez tiré. »« Ah oui, je me rappelle. J'ai rêvé qu'un voleur passait là à la porte et j'ai tiré, c'est vrai. Mais après, quel mal ai-je fait ? Qu'y a-t-il ? » ?»« Rien, » répliqua Stanley. « Seulement, je vous conseille à l'avenir, pour éviter les soupçons, de ne pas tirer dans ma tente ni dans mon voisinage, car je pourrais être blessé et les conséquences en seraient mauvaises pour vous. Bonsoir. » Il ne fut plus question de l'incident. Seulement, à quelques jours de là, Stanley fut obligé de se séparer de Farquhar, qui était malade, hypocondre et incapable en un mot de poursuivre sa route. Il le laissa dans un des nombreux villages du district du Mpuapua, où la nourriture était abondante, l'air pur et vivifiant, et où son auxiliaire avait la chance de voir arriver quelque jour une caravane descendante qui le ramènerait à la côte. Mais quand il s'agit de laisser une petite escorte à Farquhar, aucun des noirs de l'expédition ne voulut en faire partie. Le malheureux avait été si dur, si barbare envers les noirs, si inhumain et si méchant, qu'il ne trouva personne pour compatir à son mal et pour le soigner. Il fallut que Stanley usât de son autorité et ordonnât au cuisinier Jaco de demeurer avec l'homme blanc jusqu'à complète guérison. De plus, il lui laissa d'amples provisions de toutes sortes. Peine superflue. Quelques mois plus tard, Stanley apprit que Farquhar avait succombé, ce dont il ne fut pas surpris. « Les ivrognes et les débauchés, disait Livingstone, ne peuvent pas vivre dans l'Afrique centrale. » Quant à l'autre, il le traîna avec lui jusqu'à Tabora, sans en retirer désormais aucun service. Là, Shaw voulut absolument retourner en arrière, malgré les supplications de Stanley, qui lui prouvait que c'était courir au trépas. Et en effet, l'infortuné mourut peu de temps après avoir quitté son chef. C'est donc livré à ses seules forces, à l'aide de sa volonté et de son courage personnel, que Stanley parvint à mener à bien, malgré les difficultés et les mécomptes, la périlleuse entreprise à laquelle il s'était si vaillamment attaché. Fin de la section 72.